Pour m'aider dans la tâche de question, aujourd'hui, j'ai avec moi mon co-animateur, Vincent Miller. Ça va bien, Vincent? Oui, ça va bien, toi? Oui, merci. Passez un bon temps des fêtes. Oui, occupé, toujours, toujours, Alexis. Trop, hein? Ouais. C'est fou. Tu aurais besoin pas de 10 doigts par main, mais bien de 10 bras par Vincent. Et j'ai aussi avec moi Jean-François Roy. Ça va bien, Jean-François? Bonne année. Bonne année. Mais on s'est déjà vu, on se l'est souhaité la bonne année. On dit quand même aux auditeurs qui sont avec nous, bonne année. Bien, clairement, on souhaite plein de nouveaux produits Apple, ouais. Innovants ou pas, là, ou juste des mises à jour aux 6 mois. C'est comme ils veulent, donc... Ouais, ils vont de 6, peut-être, cette année. Je ne suis pas sûr de ça, moi. Non plus. On va voir. On vous rappelle que vous pouvez... en fait, on diffuse sur la plateforme Precast en direct, et vous pouvez vous joindre à nous dès 21h à chaque 2 mercredis. Donc là, on est le 16 janvier, donc calculer 16 plus 14, ça donne à peu près 30. On devrait être là aussi le 30 janvier, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année, avec peut-être là, une semaine de congé cet été. Donc, vous pouvez vous joindre à nous et nous poser vos questions. Simplement besoin de soumettre une question avec le petit bouton bleu qui est en dessous de la fenêtre de diffusion. Et nous, on va au fur et à mesure mettre les questions en ligne et tâcher d'y répondre. Et pour ceci, vous allez vous mériter, Vincent? Oui, 2 applications cette semaine. On commence par Downcast. Downcast que tu connais très bien, Alexis. Oui, bien, c'est une bonne application de gestion de podcast sur iPhone et iPad. Mm-hmm. Je pense que celui qu'on a, par contre, c'est la version iPhone. Moi, ce que j'aime bien de cette application-là, un des features intéressants, c'est qu'il y a des petits boutons dans l'application, quand tu écoutes, sur le lecteur, qui te permettent de sauter de 30 secondes à 2 minutes ou de revenir de 15 secondes à 30 secondes. Donc, s'il y a eu quelque chose de drôle... à ce moment-là, tu pouvais retourner ou avancer. Mettons qu'il y a un segment qui ne t'intéresse pas. Tu peux avancer. 15 secondes, 30 secondes, reculer. 30 secondes, avancer 30 secondes ou 2 minutes, ouais. Puis reculer de 15. Oui, puis pour... là, je regarde ça, c'est iPhone et iPad. C'est excellent. Les deux ensemble. Donc. Puis, ben, en fait, donc dans le cast... Puis, on a aussi une autre application, PureShot, qui est en fait une application de caméra qui permet de contrôler la lumière dans l'application. Donc, vraiment de pouvoir jouer un peu avec l'ISO. Je connais pas beaucoup les malheureusement, je suis vraiment pas bon au niveau des caméras. Des termes photographiques. Exactement. Mais tu peux faire beaucoup de choses. Là. Donc, des focus, des autofocus, ou comme justement barrer un focus à quelque part. Donc, il y a plusieurs applications qui le font, mais elle le fait très bien aussi. Donc, on va en avoir 4 codes aussi à distribuer pour PureShot. Excellent. On vous invite encore une fois à commencer à nous poser vos questions. On en a déjà de préparer, mais vous pouvez nous poser les vôtres. On va commencer tout de suite avec une question du document. Donc, c'est quelqu'un qui nous pose... By the way, en fait, avant de commencer avec les questions, nous, on utilise... et la plateforme Mac Québec Entraide pour aller chercher les questions et répondre aux gens qui y vont. Maintenant, on a eu des petits problèmes. Ça fait peut-être 2 mois que le forum était down. On a eu des problèmes d'infestation. Donc, il y a Marc-Antoine Berthiaume qui a travaillé d'arrache-pied là-dessus et qui a complètement nettoyé une vieille base de données qu'on avait, une plus vieille base de données qu'on avait, et qui a remis le forum en ligne. C'était vraiment une sale job, puis on le félicite en fait pour tout le boulot. C'était une vieille base de données, je crois, du mois de... Ben, cet été, en fait. Le site a planté fin septembre, ou en tout cas, mois de septembre ou début octobre, dans ce coin-là. Puis, c'est ça exactement. La base de données, en fait, était corrompue. Donc, chaque post ou chaque fichier avait des lignes de code de virus ou de publicité malsaine, disons. Donc, il fallait qu'il y ait un ménage là-dessus. Puis évidemment, bon, on a décidé d'apporter le nouveau thème que vous allez, si vous vous connectez sur macquebec.com/forum avec un S, vous allez pouvoir en même temps, j'allais dire, l'admirer. Là. Puis, c'est tant qu'à y être. Ça fait un bout de temps que le forum n'était pas revenu. Puis, c'est ça, le ménage a été refait. Quelques nouveaux utilisateurs déjà. Donc, la communauté est très contente. Là. Oui. Effectivement. Ouais. On commence déjà à recevoir des questions en ligne. On va y aller avec une question en fait qui est là depuis un bon moment sur la plateforme parce que il est arrivé très tôt, donc à tout seigneur, tout honneur. C'est Yves Lafleur qui nous pose une question par rapport au iPhone 6. En fait, croyez-vous aux rumeurs d'une sortie d'un iPhone 6? Ben, la réponse, c'est oui. On croit à une sortie d'un iPhone 6 basée sur l'expérience là, d'un iPhone 3, 3GS, 4, 4S, 5, 5S éventuellement. C'est sûr qu'il va avoir... il n'y a pas de 5S encore, mais il risque d'en avoir un. Donc, éventuellement, il va avoir un iPhone 6 qui va sortir. Maintenant, à savoir quand il va sortir, moi, j'aurais tendance à dire autour du mois d'octobre 2014, je dirais, oui, parce que en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux iPhone, la sortie d'un iPad 4 après 7 mois après la sortie du iPad 3 laisse penser que Apple veut aller à un cycle de sortie de produits aux 6 à 7 mois. Moi, j'y crois pas tout à fait. Je pense qu'ils ont juste voulu faire chier Google et Windows la même semaine avec le iPad 4. Et ils ont voulu aussi probablement effacer le iPad 3 le plus rapidement possible. Qui était un produit qui était... l'iPad 3 est sorti... Oui, tu allais dire, Jeff? Il était bien, là, mais côté performance pour l'écran, c'était pas barjou. C'est ça. La puce qu'ils ont mis dedans était à peine capable de driver l'écran qui était avec une plus grande densité de pixels. Et l'appareil était moins véloce que le iPad 2. Donc, ils ont probablement, dès qu'ils ont eu une nouvelle puce, ils ont voulu, en fait, effacer ça pour pas trop se faire barouetter et pas trop se faire barouetter par la concurrence. Maintenant, les produits Apple sont des produits haut de gamme. C'est des produits qui se veulent réfléchis pendant un bon moment. Et s'ils commencent à sortir des trucs aux 6 mois, les gens comme nous qui font la file, on ne pourra pas suivre, on ne pourra pas faire la file aux 6 mois à cacher 600$ pour s'acheter un nouveau téléphone à chaque fois. Je ne dis pas qu'ils... Tu sais, je veux dire, c'est leur business model, c'est beau, mais ce n'est pas dans l'ADN d'Apple de faire ça. Il y a des gens qui disent qu'ils vont passer à un système aux 6 mois pour concurrencer Samsung qui fait la même chose. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que Samsung, au courant de l'année, sort différents produits, mais le téléphone flagship de Samsung, qui est un excellent téléphone, qui est le Galaxy S3, il est sorti au printemps passé. Et le S4 va être annoncé au printemps prochain. C'est une sortie aux 12 mois pour un téléphone flagship. Maintenant, chaque compagnie a ses téléphones flagship, que ce soit chez HTC, le One X, dont Vincent peut nous parler, que ce soit chez LG. Actuellement, je pense que c'est le Nexus 4 qui serait le flagship, même s'il manque peut-être un ou deux trucs pour que ce soit réellement là, un téléphone haut de gamme. Mais c'est ça, donc, qu'est-ce qu'il y a? Rien, il se vante avec son HTC. Là. Je me flattais avec mon HTC. OK. T'as de la neige sur l'épaule. Oui, exactement. Voilà. Donc, oui, il va avoir un iPhone 6. Est-ce que les rumeurs actuelles qui parlent d'un nouveau téléphone au printemps On ne sait pas. Les prochains événements à Apple, là, historiquement, vont se retrouver, ça va être probablement le WWDC autour du mois de juin. Donc, on me dit dans le chat que le Nexus 4 est un téléphone haut de gamme. Il n'y a pas de LTE là-dessus. Hein? Donc, pour que ce soit un téléphone haut de gamme, il faudrait qu'il y ait ça. Le choix qui a été fait par Nexus, c'est de pouvoir le vendre à plus de marchés. Puis pour un téléphone qui, si je ne me trompe pas, là, est pas très dispendieux, là, c'est 300 ou 400 $. 300 $. C'est ça. C'est plus un téléphone grand public qu'un téléphone haut de gamme. Ouais. Il est annoncé chez Vidéotron aujourd'hui en passant. Oui, effectivement, ce téléphone-là. Le LTE fonctionne au Canada si on hack le téléphone. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde. Donc, voilà. Mais LG, de toute façon, a fait l'annonce qu'il y aurait probablement d'autres Nexus, puis eux autres vont en sortir un relativement bientôt, probablement avec une puce LTE officielle dedans. On essaie toujours de parler du stock qui est officiel. Là. Les affaires de routing, de jailbreaking, des trucs comme ça, c'est pas pour le grand public, c'est pour les gens qui veulent fouiller un peu plus. Puis, Ouais, qui veulent bidouiller, voilà. Merci. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Si je peux rajouter quelque chose, ben c'est sûr que si Apple annonce un nouveau iPhone, que ce soit au printemps ou en octobre prochain ou en automne prochain, l'équipe de Mac Québec va être là, c'est sûr. Voilà, je vous laisse mettre une autre question, là, les boys. Oui. Ouais. On va y aller avec la question de M. Hugo Martin. Mm-hmm. Faites attention, il est avocat dans la vie, fait que faut être thorough. Bon, attends, tu peux y où le bloquer là. MacBook Air refurb ou neuf, sauver 100 $, est-ce que ça vaut la peine? Moi, j'ai un MacBook Pro fin 2011 que j'ai acheté sur le refurb d'Apple. J'ai payé, je me rappelle plus combien, mais il vient du refurb. La garantie est la même. Tu as le même produit, sauf qu'ils le refont. S'il y a un problème avec le case, ils vont changer le casing, comme je viens de scraper le mien la semaine passée. Okay. Ben, une des choses qu'il faut savoir, c'est que les produits refurb, en fait, sont des produits qui sont retournés à Apple. Ça arrive de temps en temps que Apple fasse un échange, en fait, surtout dans ses magasins. Ils vont reprendre des produits sous 14 jours et il est très possible que le produit n'ait jamais été endommagé, sauf que chacun des produits qui est mis sur le refurb est vérifié par un technicien certifié de Apple et il est remis en boîte avec des accessoires neufs. Donc, c'est pas le power supply que le gars a ramené, c'est vraiment des nouveaux accessoires et la garantie est la même. Donc, j'aurais tendance à dire en fait que l'économie de 100 $ vaut la peine. En fait, il n'y a aucun risque à prendre un produit sur le refurb et ça donne un petit peu plus de marge de manœuvre, c'est-à-dire au niveau des décisions, tu peux justement aller chercher, comme Jean-François, un ordinateur qui est peut-être d'une génération précédente ou même les générations actuelles. On a vu il y a quelques jours, en fait, que les MacBook Pro Retina sont maintenant disponibles avec un rabais quand même substantiel. C'était combien, Jean-François? 330 $. 330 $, ce qui est quand même assez intéressant là, sur une machine qui est vendue autour de 2000. Ouais. Il venait à 1869. Oui, c'est en bas. OK. Ouais. Donc, ça amène le Retina en bas de 2000. Donc, ça reste assez intéressant selon moi. Puis, comme je le disais, il n'y a vraiment aucun risque à prendre. L'autre chose aussi, c'est que des fois, de temps en temps, on peut trouver des produits là-dedans qui sont des built-to-order dont la commande a été annulée pour une raison ou une autre. Donc, je ne sais pas, un ordinateur avec la mémoire qui a été maximisée dedans ou un disque dur plus gros. Et comme ces ordinateurs-là sont déjà fabriqués, ben à le commander, on va peut-être le recevoir un petit peu plus rapidement, contrairement aux built-to-order qu'on ferait qui peuvent prendre jusqu'à 14 jours à arriver. Souvent, là, quand Apple va dire 5 jours ouvrables pour le shipping, ben il faut considérer qu'il y a le temps de fabrication et le 5 jours, c'est le temps de livraison. Donc, ça peut prendre plus de temps que ça, souvent. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Hugo. Puis, qui s'occupe de donner les codes? Il en faut un, M. Lafleur. Oui, j'ai envoyé un message en DM. Parfait, excellent. On continue? Oui, on va en mettre un autre. Marc-André Bilodeau, j'ai une question. Depuis que j'ai mon nouveau iPhone, il ne reconnaît pas mon Wi-Fi et quand je suis connecté, il se déconnecte sans cesse. Un peu embêtant quand je télécharge des trucs. Effectivement. Qu'est-ce que vous auriez à suggérer, vous autres? Ben moi, je réinitialiserais les paramètres réseau du cellulaire, là, du iPhone. C'est-tu ça que j'ai vu comme bug? Que ça a été rapporté que beaucoup de personnes, que le Wi-Fi se déconnecte? Je me souviens plus. C'est-tu un iPhone 5? Oui, je pense que oui. Il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres, effectivement. C'est ça, hein? Je pense que c'est ça. Je l'avais vu passer sur le film. Puis après la réinitialisation des paramètres réseau, si ça ne fonctionne pas toujours, il est encore sur garantie. Fait que moi, je prendrai rendez-vous à Apple Store, puis bang, merci, bonsoir, ils vont t'en donner un autre. Là. Peut-être entre les deux, faire une réinitialisation avec iTunes là, du téléphone au complet. Juste une question pour toi, est-ce que c'est un ton iPhone 5, en fait, est-ce que tu l'as démarré comme étant un nouveau téléphone ou tu as transféré le backup d'un ancien téléphone dedans? Souvent, quand on transfère un ancien téléphone, il y a certains settings qui peuvent... j'avais pas d'iPhone avant, donc c'est un nouveau téléphone. Donc, comme on a dit, reset des paramètres réseau. Pour ça, tu t'en vas dans « Réglages général ». Tu vas tout en bas, il y a réinitialiser. Et dans la liste là, qu'il va avoir là-dedans, celui qui est au milieu, qui est tout seul, un peu rejet, c'est réinitialisation des paramètres réseau. Tu fais ça. Si ça ne marche pas, on réinitialise l'OS. Et si ça ne marche pas, ben tu te présentes, tu prends un rendez-vous au Apple Store, toujours important. Et tu peux le faire à partir de comment ça s'appelle? À partir de l'application Apple Store. Sur ton téléphone. Il y a aussi quelqu'un qui a posé une question dans le chat, Patrick Ducharme, qui est un peu le quatrième membre de notre groupe, qui est tout le temps là. Merci, Patrick. Et qui demande, en fait, c'est quoi le routeur sans fil, le routeur Wi-Fi. Peut-être de vérifier aussi de ce côté-là au niveau du firmware, si c'est le dernier firmware. Des fois, les produits Apple sont, je dirais, capricieux envers les routeurs sans fil sur lesquels ils se connectent. Vérifier de ce côté-là. C'est pas tout le temps fiable. Donc, voilà. OK. Prochaine question. Ça vient de Patrick Duchamp. Mm-hmm. Croyez-vous à un redesign complet du iPad 5, genre le iPad mini? C'est vrai qu'ils sont pas tout à fait pareils au niveau de la construction. Là. Les rebords sont peut-être un petit peu tournés. C'est le même gars qui est en charge des designs. S'il y avait eu un design à refaire, là, parce qu'ils l'ont vraiment appelé iPad 4e génération, ça fait quand même 3 générations qu'il y a le même look. Hein. Le iPad, il n'est pas vraiment changé. Ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans qu'il y a des rumeurs comme quoi il n'y aurait plus de boutons sur ces appareils-là, que le bezel deviendrait... deviendrait contrôlable ou qu'il y aurait des espèces de boutons à l'intérieur de ça, tout ça. Donc, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, si c'est pas comme l'iPad mini, il risque d'avoir une révision au niveau du look. Je dirais, durant les dernières années, les looks n'ont pas été frappants chez Apple. Ça n'a pas été... tu sais, quand ils ont sorti une tour G5 là, à fesset, tu sais, quand ils ont sorti les Unibody ou les premiers MacBook, le look était assez différent. Là, depuis une couple d'années, ça change pas. Hein? Oui, c'est ça. Puis c'est pas des gros changements. Apple, il va pas nécessairement avec des trucs très très audacieux. Mm. En tout cas, c'est pas le premier mot qui me viendrait à l'esprit au niveau de leur design. C'est vraiment des designs épurés, tout ça, mais pas d'écran courbé, pas de trucs comme ça. À ce moment-là, oui, je pense à un nouveau design pour l'iPad 5. En tout cas, il serait temps, mais pas nécessairement un gros changement radical. Prochaine question, next one, de Benoît Harvey. J'ai entendu que l'iPhone 5 pouvait s'égratigner et même se tordre des plis assez facilement. Est-ce fondé ou c'est une légende urbaine? Je l'ai vu passer celle-là cette semaine. Là. Ils ont. Ben, pas juste ça. Là. Ils ont... Ah oui, il y a un gars qui s'est plaint à Mac Génération. Je me suis assis sur mon téléphone, puis il a comme plié. Parce que assis-toi sur un iPhone ou sur un Galaxy ou n'importe quel téléphone, s'il a plié, il va plier. Là, je m'excuse. Ben, c'est y a comme. Rien qui, ouais. Je m'assois sur ta colonne. Moi, je pèse 250 livres. Ouais, je la pète, mon gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Là. Fait que, en tout cas, je veux dire, c'est une exagération. Le gars, il a envoyé des photos. Check, mon téléphone est plié. Tu t'es assis dessus. C'est ça. Demander de comme. De te supporter, là. De comme être un criminel envers les lois de la physique, là. Ça marche pas, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour le pliage. Au niveau des égratignures sur l'iPhone 5, je pense que les premières batchs avaient peut-être des petits problèmes au niveau d'un bout de peinture. C'est pour ça que nous, on l'a rapidement mis dans une housse protectrice. Mais je pense que c'est sur une. En fait, sur les millions d'appareils qu'ils vendent, en électronique, là, un produit de bonne qualité va toujours avoir à peu près 4 % de trucs défectueux. Puis ça peut être n'importe quoi. C'est pas tout le temps le même problème, mais il y en a 4 % vont être défectueux. Les chiffres, là, c'est que Apple a vendu 52 milliards, j'ai vu ça tout à l'heure, là, 52 millions. De téléphones. Calcule 4 % là-dessus, ça fait déjà la population d'un petit pays d'Europe. T'sais. Fait que si eux autres ne sont pas contents puis qu'on prend un pourcentage de ça et qu'on leur dit allez chier sur le produit sur Internet, ben, tu vas avoir l'impression que ça fait beaucoup de monde, mais ça fait en fait 4 % du monde. C'est ça qui arrive, beaucoup. Puis le truc de tordre, là, c'est du bruit, là. C'est du n'importe quoi, là, dans le sens où, tu sais, comme j'ai dit, tu t'assois dessus, ça plie. Là. J'ai eu des palmes à l'époque. J'avais un palme Treo, moi. Treo, moi, tu vois, c'était avant ça, là, c'est un palme, il écrivait les chiffres. C'est tellement vieux, il écrivait les chiffres avec des chiffres romains. Je l'ai mis dans ma poche arrière. Je me suis assis dessus. Le produit n'a pas plié ou quoi que ce soit. C'était fait en plastique dur, mais il voulait juste plus s'ouvrir. Là. J'avais comme craqué l'écran ou je sais pas quoi. C'est ça. Écoute, le produit, c'est un rim en aluminium qu'il y a. La vitre qui est en avant, c'est un Gorilla Glass 2. Même si Apple ne le dit jamais, on le sait que c'est un Gorilla Glass. Fait que c'est fait solide, tu sais, mais solide jusqu'à quel point? Pas ce point-là, mettons. C'est ça. Voilà. Next, Maxime Savoie. Oh, attendez un peu. Elle est un peu longue. Ah bon, il manque un bout, moi, là. Alors, tu sais, je suis plus capable de suivre. Là. J'essaie de donner les codes, puis il y a des questions qui apparaissent un après l'autre. Simon, on est en feu. Ah, oui. Fait un mois qu'on n'est pas là. Là, il manque un bout à la question. Je vois pas le bas. Tu le vois-tu, Alexis? Non. J'ai déjà plusieurs podcasts et ça arrête là, moi. Oui, c'est ça, mais comment ça se fait qu'on peut plus... Il y avait « more » avant. Oui, c'est ça, il y a juste « hide ». Ah, OK, si tu le sélectionnes, tu vas descendre. Ah, OK, bon. J'ai la première partie en haut, je vais lire la partie en bas. OK. J'ai fait quelques recherches et pour trouver des audiobooks ou pour mettre franc... Pour être franc, j'aimerais bien juste les écouter sur trame sonore d'un film. Me faire raconter une histoire avec mon travail. J'écoute beaucoup de musique, mais je cherche toujours des alternatives à la musique. J'ai déjà plusieurs podcasts et... Et documentaires. Merci. Très bon podcast en passant. Merci beaucoup. Première chose à dire, en fait, dans ta liste de podcasts, tu dois absolument en mettre trois. Ben à part évidemment les deux nôtres, là. Évidemment les mystérieux étonnants qui sont une grande, grande influence pour le nôtre, je dois le dire, au niveau de la présentation, tout ça. Le dernier des podcasts, qui est un excellent podcast à propos des films d'action, et l'épée légendaire de notre ami Maxime Tremblay, je ne saurais ne pas le mentionner, lui qui se fait un devoir de nous écouter à chaque diffusion. Donc voilà, si tu veux rajouter des podcasts à ta liste. Maintenant, au niveau des audiobooks, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, que je connais beaucoup. Donc, je peux pas réellement t'aider à ce niveau-là. Par contre, ce que je sais, c'est que ça devrait être cette année, mais il y a une fonctionnalité dans ton iPhone qui est pour les malentendants. Et on va faire un vidéo tutoriel quelque part cette année sur comment l'utiliser parce qu'elle n'est pas facile à prendre en main. Et cette fonctionnalité-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est capable de te lire ce qu'il y a à l'écran. Donc, tu serais capable de prendre des textes, c'est-à-dire des livres peut-être, et de te les faire lire par ton iPhone. Donc, à ce moment-là, tu n'aurais pas besoin nécessairement de trouver des audiobooks, mais bien de trouver des PDF, par exemple, de livres, et à ce moment-là, de démarrer cette fonctionnalité-là. Donc, la voix de synthèse du iPhone sera en mesure de te lire. C'est sûr que si tu en vas te taper quelque chose comme un Harry Potter avec la moitié du vocabulaire qui est inventé par J.K. Rowling, il risque d'avoir de la misère. Déjà que la voix dans le GPS, quand tu prends la 40 Est, il n'est pas capable de te dire que c'est Est, il dit 40 Est. Il va peut-être avoir de la difficulté de ce côté-là, mais sinon, ça peut être une alternative intéressante. Sinon, pour les audiobooks, ben comment ça s'appelle? C'est pas audio... Ah, je me souviens plus c'est quoi le nom. En tout cas, il y a un site dédié aux audiobooks qui roule depuis très longtemps. Si je ne me trompe pas, il y en a de disponibles dans le iTunes Store. Et sinon, au même endroit où on télécharge nos Linux, nos distributions Linux en 1080p. La baie des pirates. Oui, c'est ça, la baie des pirates. voilà. Donc, sans rentrer dans les détails, ça pourrait être des endroits où tu peux regarder. T'as-tu écouté le trailer du documentaire? Oui, il y a effectivement un documentaire qui sort. Ça a l'air intéressant. Bien, ce qui se passe, c'est que The Pirate Bay, c'est pas... The Pirate Bay, en fait, je dis toujours The Pirate Bay, parce que c'est eBay à la fin. C'est un mouvement politique. C'est pas juste... c'est pas juste, en fait, on veut pirater. C'est un mouvement politique en Suède ou en Norvège, si je me trompe pas. Et ce sont des gens qui se battent pour que cette information-là soit libre puis que tout le monde puisse y accéder. Comme quoi, c'est un espèce de pool commun où on peut tout aller chercher les instruments qui sont nécessaires pour développer quelque chose d'encore plus merveilleux. Ils sont assez utopistes et pas mal de gauche, il faut le dire, là, mais ça risque d'être assez intéressant. Il y en a un aussi sur Anonymous, un bon documentaire. Ah, okay. Je ne savais pas. OK, next one, Monsieur Danick Tremblay. Joli logo, joli avatar, Danick. Ouais, attendez, là, ça ne marche plus, je suis plus capable de les mettre à l'écran. Alexis? Ah, ben il est là. Ben moi, je le vois pas. Ah, ils viennent d'arriver. Okay. OK. Tu lags? Oui, ça a l'air à ça. à ma job, je dois évaluer des Mac mini génération 2 et 3 en plus des portables MacBook de milieu 2009 à milieu 2010. Autre que les Mac.com, avez-vous un site pour connaître la valeur du jour? Tu en avais un dont tu nous parlais tout à l'heure, Jean-François? On a Mac to Seal. Seal. C'est Mac to Sell, oui. Ben, je me trompe à chaque fois. Mac for Sell. Oui, Mac for Sell. C'est Mac for Sell. Oui, c'est MacForSell.net. OK. C'est, je vais mettre le lien dans le chat. Attendez un peu, je reviens sur ma page. Et voilà. Fait qu'avec cet engin-là, vous avez les pays que vous choisissez. Mettons, on va aller pour Canada. Et après, vous rentrez les informations de votre ordinateur que vous avez. Mettons, Mac Pro. Ils ont toutes, là. Tu sais, la iMac, des choses. Mettons, si je vais faire un Mac Mini avec un processeur Core 2 Duo, mettons, on va y mettre 4000 MB avec un 500 GB de disque. Ah, il marche pas. Ça va bien, hein? Ah, j'ai pas mis le processeur. Ah! Ça va, c'est ça. Faut faire attention, par exemple, parce que des outils comme ça, en fait, c'est des compagnies et le prix qu'on vous donne vous offre pour acheter l'appareil. Donc, on pourrait avoir l'impression que le prix est très bas. Mais c'est le prix qu'on vous donne si vous leur vendez cet appareil-là. Donc, des sites comme ça, il y en a deux, trois qui vont donner des prix. Il y en a qui vont donner des prix un petit peu plus élevés. Puis, je ferais quand même une vérification jusqu'à être à l'aise, là, éventuellement. Mais une vérification de plusieurs sources. Puis, éventuellement, ça va devenir comme un sixième sens. Tu vas trouver, en fait, le range de prix. Ce qui est aussi intéressant, c'est de... si tu connais bien les appareils, parce que souvent, comme tu viens d'en faire la démonstration, Jean-François, tu te retrouves à checker le processeur, la mémoire, puis le disque dur. Alors que, je vais te donner un exemple, là, mais le premier MacBook aluminium qui est sorti n'était pas un MacBook Pro. Et Apple avait décidé de faire une connerie dessus, c'est-à-dire d'enlever le port FireWire 800 en disant « ben c'est pas un MacBook Pro, fait que le monde n'a pas besoin du port Pro FireWire 800. » Mais ce port-là sert à un paquet de trucs là, au niveau de la maintenance de l'ordinateur. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas versus un ordinateur qui serait peut-être un petit peu moins puissant, mais qui l'aurait, ce port-là, bien, moi, je trouverais plus intéressant acheter l'autre ordinateur. Puis, il y aurait une valeur, tu sais, il y aurait peut-être un 50$ sur la machine qu'elle vaudrait un petit peu plus cher à cause de ça. Donc, il faut faire attention à ça. Il me l'a sorti à 330$. Ouais. Quelle année? Bien, ils disent pas l'année. Tu choisis ton... Ouais. Ton processeur, j'ai mis un 2.5, un 4 GB de RAM, 500 GB de disque dur, il me le sort à 330$. Sur un MacBook Pro? Un Mac Mini. Ah, OK. Oui, ça sera honnête, je te dirais, là, comme prix, ça semble avoir de l'allure. Tu peux peut-être aller chercher 350, 400 si tu veux être radin, là, mais voilà. ça semble être pas pire. Ah ouais. Encore une question de Danick Tremblay. On donne pas deux codes. Non, on donne un code. un iPad troisième génération qui est utilisé sur le 3G, peux-tu passer au LTE ou dois-je changer la carte SIM et forfait? Vincent? Excuse-moi, j'essaie de répondre. J'essaie de donner des codes, là. Yeah. Parce qu'il y a juste 4 unread qui traînent dans le chat, là. C'est comme... C'est quoi des unread? Ben, c'est parce qu'il est en train d'écrire sur le chat, Vincent, aux personnes. OK. Puis c'est ça. Bon. C'est les DM, tu sais. Malheureusement, un iPad, c'est un produit qui est fermé comme un téléphone et on ne peut pas aller changer les composantes qu'il y a dedans. Le iPad troisième génération ne se connectait pas sur le réseau LTE, si je ne me trompe pas. Attends, oui. Ben oui. Oui, il se connectait sur le réseau LTE. Il se connecte au LTE. Ça, okay. Ça veut dire que c'est ton forfait qu'ils n'ont pas migré en LTE. Fait qu'il faut juste que tu appelles. Faut que tu appelles, mettons, chez Rogers, là. Tu es encore sur un ancien forfait qui me semble qu'il avait fait pour tout le monde. En tout cas, whatever. Fait qu'appelle chez ton fournisseur, puis tu leur demandes, parce que j'ai un iPad 3, puis je suis pas capable de me connecter au LTE. Puis ils vont juste switcher, là, ils vont juste peser sur un piton, puis ça va se faire tout seul, là. Il faut aussi vérifier, en fait, si dans... Tu sais, je sais pas si tu es à Amqui, peut-être que le signal LTE n'est pas là. Je sais qu'il y en a à Montréal, Québec. Trois-Rivières, vous l'avez, Vincent? LTE? Oui. Oui. OK. Et si je ne me trompe pas, Patrick va nous le confirmer, mais il l'a, en tout cas, il l'a mieux que la dernière fois qu'on l'a essayé À Sherbrooke. À Sherbrooke, oui. Donc, mais c'est ça. Mais il y a TELUS aussi cette semaine qui nous a annoncé qu'il était rendu un petit peu plus loin en Beauce, puis je ne sais plus trop où. Là. Ça se peut. Donc. On me dit qu'il y a possibilité que la SIM doit être à remplacer, mais si je ne me trompe pas, c'est un format de SIM particulier qu'il y a là-dedans. Ce n'était pas des vieilles SIM. Ben, c'est les micros, pas les micros, là, mais les ce qu'il y a dans iPhone 4, là, 4S. Là. 4S, oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Ils étaient un petit peu plus petits. Dans l'iPhone 5, ils sont encore plus petits. OK. Donc, il dit, la carte doit-elle être changée car mon boss est à Québec et il me demande de lui changer tout ça? Peut-être, ça, c'est possible. En fait, la première chose à faire serait de téléphoner au fournisseur et de voir avec eux si ils peuvent faire quelque chose à distance. Sinon, une carte SIM, c'est 10$. Donc, tu rentres dans un magasin, ils vont te changer ça puis ils vont te l'envoyer. Ils vont te le mettre sur le LTE, c'est-à-dire. Mais là, j'aimerais ça faire une parenthèse. Oui. Maxime, tu devrais peut-être te concentrer à écouter le podcast parce que magasiner chez Dell, là, ça fait toujours mal à la tête. Là. Il vient de tweeter ça, qui écoute Maquillac en même temps de magasiner sur Dell, c'est pour ça. Bon, écoute, c'est un opposé. Il y a des grosses rumeurs à propos de Dell en ce moment. Ouais. Et c'est très, très drôle parce que la compagnie chercherait à retourner à une compagnie privée. Ils ont beaucoup, beaucoup diminué ces dernières années et ils feraient ce qu'on appelle un rachat d'actions. Et ce qui est très drôle là-dedans et aussi très, très ironique, c'est qu'en 1997, quand Apple n'allait pas très bien et que Dell allait très bien, donc, je sais pas, les gens de 1997 avaient décidé d'être médiocres à cette époque. Ils ont, en personne, a dit, moi, si j'étais Apple, je rembourserais les actionnaires, je donnerais le cash, ce qui reste séparé aux actionnaires, puis je fermerais la compagnie. Et quelques 17 ans plus tard, on est avec, en fait, le contraire, tu sais. Donc, c'est drôle, quand cette nouvelle-là, quand les rumeurs ont commencé à sortir, c'était vraiment ce que les gens disaient, là, tu sais. Hey, moi, avec ça, je rembourserai les actionnaires puis je fermerai la compagnie. Mm. Mais c'est pas une compagnie qui innove d'elle. C'est une compagnie qui cherche à faire le meilleur deal possible avec de la technologie, avec des innovations que d'autres ont déjà faites. Donc, ils sont un peu toujours à la traîne. C'est sûr que ça va être toujours plus cher, moins cher, mais toujours un peu plus cheap, honnêtement. Donc, c'est pas une compagnie que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup mieux des compagnies comme IBM, par exemple, qui vont avoir un paquet de brevets. Puis ça veut dire qu'ils font de l'innovation, ils font de la recherche et du développement, puis ils nous aident à aller dans le futur, là, t'sais. À être en 2013. Ouais, c'est sûr que c'est moins pire que Acer et Gateway, on s'entend, là, mais... c'est certain. C'est certain, c'est ça. Okay. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être, dans le document? N'avions pas d'autre chose? Absolument. Ah non, on a répondu à la question du document? Je vais voir rapidement si j'ai pas quelque chose provenant de Mac Québec Entraide. Hey, les recherches là sur comment ça s'appelle? Ah, la nouvelle affaire de Facebook là? Non, mais sur le forum? Les recherches dans Mail là. Ah, ben ça. Ça va pas bien, hein? Non. Ah oui, t'as des problèmes? Ben, je sais pas, c'est jamais clair. Moi, ça fonctionne très bien. Parce que ça dépend peut-être aussi le nombre de courriels que tu as dans tes boîtes de courriels. Ben, j'ai 6000 courriels. Ouais, moi aussi, je les efface pas. T'sais. C'est comme, ils sont là, puis je leur réponds, mais je les efface pas. Là, je les gère comme ça, mais j'efface aucun courriel. Là. Donc, non plus. Trouver la trace. Comment savoir qu'une application... Juste... Ah, on a une question ici de Suzanne Racine qui a été posée dans Mac Québec Entraide le 9 janvier et qui nous demande comment savoir quelle application utilise beaucoup d'espace sur mon iPad dans Autres. Ah, dans Autres, dans iTunes? Oui. en fait, quand tu vas regarder dans Réglages, Utilisation, ouais, tu lui donnes une couple de secondes. Oui, ben en fait, oui, c'est ça. Quand tu le branches à iTunes, tu as ta barre en bas, puis il y a Autres, effectivement, qui est là. En fait, Autres, si je ne me trompe pas, c'est le contenu de tes applications. C'est pas l'application en tant que telle. C'est, mettons, tu as Goodreader installé. Ben Goodreader va être listé dans Apps, mais ce que tu as dedans va être listé dans Autres. C'est comme mon navigateur TomTom, tu sais. L'autre, là. Navigon. Il faut qu'il télécharge, je pense que c'est 1.2 gig, tu sais. Les maps, toutes les affaires. L'application prend 30 MB à installer, là. Mais il faut qu'il télécharge ça, puis c'est là-dedans qu'il met, tu sais. Fait que c'est comme. Mais c'est vrai, il faut passer absolument par réglage et utilisation, et ensuite on voit le. Bon, c'est quoi, on donne des codes invalides? Oui, c'est, j'essaie de. Il est possible qu'on ait. En tout cas, c'était quoi? C'était Downcast? Downcast. J'ai envoyé un autre code à Patrick. Essaie-le, voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, bon, ils ont peut-être fait une mise à jour. Ils nous ont envoyé les codes, mais ils ont fait une mise à jour entre-temps. Depuis, effectivement, c'est possible. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Oh, on a une ici de Vincent Meller. C'est toi, Vincent, qui pose ça? Oui, mais ça vient du forum. Ah, OK. En fait, c'est juste pour savoir si vous avez déjà essayé un logiciel qui permet de transférer du VHS sur DVD pour Mac. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, ben, c'est un petit peu comme l'enregistrement de il y a un appareil de Griffin là, qui permet ça, là, enregistrer soit ta table tournante ou tes vieux tapes. D'abord, ça ne donnera pas de la super qualité là, du VHS. On s'entend que c'est en bas de 640 par 480 comme qualité. Là. Ouais. Donc, ça va être en dessous de la qualité de la télévision. Je pense que c'est 360 lignes ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne sera pas terrible, mais c'est des logiciels qui habituellement là, sont très capables de faire la job. C'est un petit convertisseur analogue à digital probablement qui est vendu avec cette vidéo dedans, puis de l'envoyer sur le Mac. OK. Bon, moi, ben en fait, c'est pratique quand tu veux garder des vieux souvenirs que tu veux mettre au niveau numérique, j'imagine. Moi, je les graverais pas sur DVD, mais je les garderais numérique dans un backup. D'ailleurs, il faut que je sorte. J'ai déjà fait une publicité quand j'avais à peu près un an, puis vous rappelez-vous, il fallait que je la sorte, là, il va falloir que. Je diffuse ça. À un moment donné, je vais tweeter sur ça, là, puis je vais l'envoyer. T'as fait une pub? Oui. Je pense que c'est sur des couches, tout ça? Non. Non, c'était sur une espèce de balançoire. Tu sais, tu peux mettre ton bébé dessus, puis ensuite, tu pousses une petite balançoire comme de maison à l'intérieur, mais automatique. Là. Tu pèses le bouton. Ah oui, elle fait ça de même. Là. C'est ça, je me sens comme dans How I Met Your Mother, où une des personnages est une Canadienne, et c'était une ancienne pop star quand elle était au Canada. Tu sais. Elle faisait de la musique à la Debbie Gibson dans sa Saskatchewan natale. Ils disent jamais d'où elle vient. Okay. Puis, elle a pas fait une longue carrière, mais elle a fait comme 2-3 chansons. Puis Barney Stinson, à un moment donné, il était sûr que c'était une ancienne porn star. Fait qu'il fait des recherches dans l'émission, puis il tombe sur une vidéo de elle, puis il est sûr que c'est de la porn. Puis il met ça, puis c'est juste comme un vidéo à propos de elle qui s'en va au mall. C'est pire que la toune Friday. C'est vraiment drôle, mais là, je vais me faire un devoir de trouver ce vidéo-là puis de me foutre de ta gueule. OK, c'est bon. Ça va être awesome. Ouais, j'avais fait une pub parce que maman travaillait en télé. Donc, souvent, là, quand il y avait besoin de quelqu'un pour faire un figurant ou quoi que ce soit, puis ben là, c'est ça, il y avait besoin d'un bébé. Fait que comme j'étais là. Frais dispo, j'ai passé à la télé. Ben, j'ai un bébé, moi. Puis, t'as-tu pu payer tes études avec le cachet ou quelque chose? Oh, oui, ben c'est ça. Là, $1 million, j'ai des intérêts qui rentrent depuis ce temps-là. Là. C'est fou. Là. Ouais. Puis, puis ta mère, ça va bien avec, même si elle t'a exploité pour du cash quand tu étais jeune. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme Baby. Comme l'émission qui joue à Historia, là, je sais pas trop, là. Maman m'a transformé en poupée de foire. Non, mais tu sais, ceux qui dansent, là, ceux qui sont avec leur enfant, qui dansent, qui font de la danse, là. Maman, gérant d'estrade, dans la même. Ah, OK. C'est ça, t'sais. Le produit dont on parle, Roxio Easy VHS to DVD for Mac, je suis allé voir. Il y a un produit, je sais pas, ça se détaille à 69,99 €, donc à peu près 200 $. Non, ils ont descendu un peu. Hein. Oui, ouais, ça a descendu un peu. Ça doit être 100$ à peu près. Ça doit être autour de 100$. Il y a un produit équivalent d'une compagnie que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle El Gato, et qui fait des produits ITV. Si je ne me trompe pas, ils ont un produit qui destine à l'enregistrement de jeux vidéo, puis qui doit être aux alentours du même prix. C'est disponible dans les Apple Store, ce produit-là. Il y a le ITV ça hybride, s'appelle... je pense. Le premier, ce serait le ITV hybride qui servirait à faire un peu la même chose. Et le ITV permet aussi d'enregistrer de la télévision avec une antenne conséquente là, dedans, là, mais ça permettrait de faire ça. C'est le Video Capture, c'est 100$. Oui, voilà. Mais c'est juste pour la vidéo. Donc, ça fait exactement la même chose que le Roxio. C'est ça. Puis Roxio, je sais pas pourquoi, mais je les déteste. C'est la compagnie du démon. Ben surtout avec Toast, là. Tu sais, Titanium Toast, là. Ouais. C'est correct, là. Mais tu sais, c'est de base comme logiciel pour graver, là. Ben, ça fait, en fait, la même chose que ton Mac puis que iMovie ou iDVD. C'est ça. Peut-être si tu veux graver certains types d'images, mais... Il n'y a rien à ma connaissance ou très peu de choses, à part peut-être ce qu'ils appellent des DVD HD ou des HD Blu-ray. En tout cas, c'est gravé de la qualité Blu-ray, mais plus court sur un DVD. Ah, c'est Blu-ray ou DVD? Non, c'est, en tout cas, ils ont un autre nom que ça, mais ça, tu vois, Toast permet de le faire, mais il faut que tu achètes le plugin. En tout cas, ça coûte 150$. Ouais, c'est ça. À ça, donc c'est pas terrible. Achetez-vous DVD FAB sur Windows, ça va mieux. Je sais pas si vous voyez le message apparaître. L'application, le petit gadget Lockitron qui vient de Kickstarter, en fait. Puis ça, c'est quelque chose vraiment... En tout cas, moi, j'ai hâte de l'essayer. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Maxime, qui nous propose de savoir qu'est-ce qu'on en pense. Moi, je veux vraiment l'essayer. On voit qu'il est en pre-order maintenant. Là, donc, c'est quoi, One Chain? En fait, c'est un adapteur que tu mets à l'intérieur d'une porte. Puis ensuite, sans fil, avec ton iPhone, tu peux débarrer ou barrer les portes chez vous, finalement. C'est pas... Tu sais, il n'y a rien de compliqué. Puis ça t'envoie des notifications si la porte... s'il y a quelqu'un qui débarre la porte chez vous. Oui, tu peux même à distance donner la possibilité à du monde avec leur téléphone. Tu as toute une interface. Puis c'est ça, tu peux programmer temporairement des ouvertures de portes. Tu es averti quand quelqu'un ouvre la porte. Donc, ça peut être intéressant. Ouais. Ce que je trouve, par exemple, c'est que c'est de la domotique à la pièce. Donc... Ouais. La domotique, en fait, c'est le fait de automatiser certains trucs dans ta maison, comme ouvrir tes rideaux, ouvrir et fermer les lumières, régler la température, programmer des températures, tout ça, ouverture, fermeture des portes de garage, bon, tout ça. Et il y a des compagnies qui s'évertuent à installer des systèmes comme ça qui sont quand même relativement dispendieux. Donc, c'est pas pour tout. C'est pas pour tout le monde. Des systèmes comme ça viennent, si tu veux, là, donner des petits morceaux de domotique à ceux qui n'auraient pas les moyens à 1000 ou à 1500$ pour la maison, là, parce qu'on parle quand même d'un panneau, c'est quand même lourd comme installation. Donc, si tu les achètes par morceaux, éventuellement, ça va finir par te coûter plus cher qu'un vrai système. Les ampoules que Philips a sorties dans les Apple Store, c'est un peu la même chose. Puis il y a des petits, je pense que ça s'appelle Arduino, quelque chose comme ça. Puis ça permet de créer finalement un système de domotique, un système d'alarme, si tu veux, avec des détecteurs de mouvement ou des caméras reliées à ça. C'est assez... En fait, c'est un mini PC à 35$, un Arduino. Ben c'est pas vraiment un PC, c'est plus comme une espèce de motherboard que tu peux mettre des connexions. Mais tu as de la mémoire dessus, tu as un port USB, tu as un processeur. Tu peux rajouter des affaires dedans, oui. Tu peux rajouter effectivement un petit lecteur de carte SD, tout ça, puis plein de choses qui se font avec ça. Tu peux rajouter justement des écrans Dell. Fait que tu sais, si jamais quelqu'un veut se partir un... qui est bon là-dedans pour se débrouiller puis apprendre, qui veut se partir un système d'alarme ou créer justement un système domotique, ben regarde, c'est parfait pour toi. C'est pas cher, en fait. Puis tu peux t'amuser là-dessus puis créer tes propres systèmes sans que ça coûte des milliers de dollars, là, nécessairement, domotique aussi. Mais l'affaire de Locktron, je pense que je vais me commander quand je vais avoir le boîtier est vraiment beau, c'est cute, puis tout ça. C'est drôle, hein, mais c'est un projet Kickstarter, puis on va en parler un petit peu plus on va parler un petit peu plus de Kickstarter dans le podcast qui suit dans quelques minutes. Mais j'ai l'impression que les idées, les nouveautés, les innovations peut-être la dernière année ou des deux dernières années, les trucs là, vraiment viscérales que tu fais comme « wow, c'est une bonne idée », ça provient pas mal de là, le crowdfunding en général. Il y a une plateforme aussi canadienne qui s'appelle Indiegogo ou quelque chose comme ça. Puis c'est pas mal intéressant. Tu me fais rire parce que je parlais la même affaire avec mon chum hier soir, là. Ça n'a pas de bon. Parce que je sais plus trop quoi. On regardait la TV, puis là, il me dit c'est quoi ça? Ben, tu sais, mon chum n'est pas souvent sur les dents. C'est quoi ça, Kickstarter? Fait que là, j'explique. C'est du crowdfunding, toute la patente. Tu sais, il y en a beaucoup de plus en plus qui font leur financement là-dessus. Il y a beaucoup de choses maintenant sur Kickstarter. Tu sais, c'est un. Il y a un dark side, par exemple. Oui, c'est ça. C'est ça, là, je dis, parce que c'est comme je disais à Jason, je dis parce que. Tu sais pas trop si tu vas l'avoir, ton produit, là, tu sais, je veux dire... Ça fait un an, moi, je cherchais une lampe de poche, puis quand je suis arrivé sur Kickstarter, le gars, il t'explique dans une vidéo, je veux fabriquer la lampe de poche la plus awesome qui existe, puis il y a un prototype, il fait essayer au monde, à des policiers, tout ça, j'étais comme, ah, elle est badass, sa lampe de poche, je veux ça, puis je l'ai acheté, puis le gars, il l'a pas encore shippé, là, tu sais, comme... C'est ça. Je l'ai acheté il y a un an, mais... Non, c'est ça. Comme Benoît, il dit dans le chat, il dit il y a beaucoup de crap. Moi, c'est vrai, parce que là, si tu prends un risque, là, tu sais, comme mettons là, l'affaire du lock, là, c'est 180$. Là. Mais tu le perds pas, parce que quand tu back un projet, ben d'abord, en fait, c'est sûr qu'il faut que tu fasses un peu confiance. C'est-à-dire que le gars, il dit pour faire ce projet-là, j'ai besoin de tant de cash. Vidéo a l'air de clown, si les explications que tu lis sont un peu boiteuses, ben tu prends pas le risque. Mais s'il a l'air comme solide, il te présente son équipe, bon, il te montre qu'il a déjà fait quelque chose par le passé, c'est un vétéran, ben tu peux un peu plus faire confiance. Récemment, il y a eu un projet, je me souviens plus, on en a parlé au podcast, mais c'était une espèce de socle où est-ce que tu pouvais brancher comme deux ou trois appareils. Là. C'était une espèce de cylindre, je ne sais pas quoi. Pop portatif, quelque chose comme ça. Exactement. Et ce produit-là, pendant un bout de temps, il a failli ne pas exister parce que la licence de Apple, en fait, pour pouvoir avoir des Lightning, des connecteurs Lightning, tu n'avais pas le droit d'avoir un produit qui a les deux types de connecteurs dessus. Fait qu'il était comme un peu fourré parce que soit qu'il l'offrait en 30 pins, soit qu'il l'offrait en Lightning, mais il ne pouvait pas l'offrir les deux, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, pendant un certain temps, ils ont été fourrés, mais Apple a changé les règles pour que ça puisse se faire. Puis là, le produit va pouvoir sortir. Mais puis là, il allait rembourser le monde. Oui, tu allais dire, Vincent. C'est deux. En fait, il y a le pop portatif puis le pop station. Puis il y en a un qui est branché, la station est branchée dans le mur, coûte 100$. Puis l'autre qui est à 150, je crois, ou 160, est à batterie. Donc je pense qu'il y a 25 000 milliampères. Milliampères, merci. Donc ça, tu peux brancher plusieurs appareils. Il y a quatre fils qui sortent. Puis au départ, c'était du 30 pins, mais quand l'iPhone est sorti, ils ont décidé de l'iPhone 5 avec le 9 pins. C'est combien de pins? C'est 9, c'est le Lightning. OK. Puis c'est ça, là c'est rendu, c'est ça. Apple ne voulait pas les deux câbles, là, fait qu'ils voulaient rembourser, mais quand Apple a décidé de changer d'idée, ils l'ont remis en pre-order depuis juste avant Noël, je crois. Excellent. Messieurs, c'est ce qui va mettre un terme à cette fabuleuse diffusion des amateurs de Mac. On va prendre une petite pause et dans quelques minutes, on va recommencer avec le podcast Mac. Alexis, on peut s'y rendre? Ouais, ça a coupé. OK, tu peux répéter. OK. Donc, ce que je disais, c'est qu'on termine le show. On va prendre quelques minutes pour se rafraîchir, se repomponner, maquillage. Et on va commencer le podcast Mac Québec. Peut-être, Jean-François ou Vincent, vous pouvez mettre le lien pour que les gens qui sont déjà avec nous puissent continuer à nous suivre facilement sur l'autre podcast. En fait, vous allez ceux qui nous suivent sur macquebec.com/entre-direct, une fois que ça va être fait terminé, laissez une minute, je vais faire un refresh, puis vous allez pouvoir juste rafraîchir la page, puis vous allez avoir le podcast. Excellent. Parce qu'on ne peut pas se connecter à deux places, à deux fois même place, ça ne marche pas. C'est vrai. Sinon, messieurs, Vincent, où est-ce qu'on peut te trouver sur les intertubes? On peut me retrouver sur les Twitter à DEVVMiller. Puis on peut me retrouver sur mon site web qui est en attente, qui est du nouveau thème. Donc, il y a un décompte là, sur le site, vmiller.ca. Parce que je suis en train de bâtir mon... Ben, c'est pas un thème qui va aller sur mon site, là, ça n'a aucun rapport, mais je suis en train de bâtir un thème pour le vendre, finalement, un thème de A à Z de WordPress. Cool. Fait que je vais vous tenir au courant. Là. Ça va être... Es-tu responsive? Il est responsive. Je sais même pas ce que ça veut dire. Jean-François, est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Je sais pas c'est quoi. C'est-à-dire qu'il est prêt pour le mobile, je pense. Il répond à l'écran. Si l'écran est plus grand ou plus petit, il va s'adapter. Ah, il s'adapte tout. Ah, bon, OK. Bon, merci. Même Benoît, il sait pas c'est quoi. Voilà. On peut me rejoindre sur Twitter à JFroy1979. À peu près 20 heures sur 24. Ouais, mais j'ai ralenti de ce temps-ci, là. Le monde aussi, hein? Il y a moins de questions. Oui, j'ai ralenti, mais je suis quand même là. Clou de dessin. Moi, je me suis fait tweeter par André Ducharme aujourd'hui. J'ai comme une couple de questions qui sont rentrées. qui m'ont posé des questions après ça. Là. Ça arrête pas. Oui, c'est ça. Ton clou de dessin est bonne. Donc, on vous dit dans deux semaines. En fait, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Au Alex Cornelier. Vous pouvez me retrouver aussi un peu sur Facebook. J'y vais encore une fois de temps en temps, mais ça risque d'être pour plus très longtemps. Il commence à me tanner. Et voilà. Et vous pouvez aussi me trouver sur mon site alexiscornelier.com où il ne se passe pas grand-chose, mais où mes services sont offerts. Parlant de services, vous pouvez aussi me trouver sur le site de Mac Québec. Il y a une section de services. Donc, si vous nous avez rencontrés via le podcast et que vous avez besoin de quelqu'un à la maison pour vous aider, parce que oui, ce podcast d'une heure est un gros infomercial, vous pouvez... m'engager, en fait. On fait ça pour toi, Alex. Les services de Mac-Québec. Ben oui. Voilà. Et vous pouvez m'engager et je vais chez vous régler vos petits problèmes et vos gros plus gros problèmes avec vos produits Apple. Sinon, on se revoit dans deux semaines. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye.